بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع ترجمة كتاب الملخص الفقهي للشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، وكنا قد توقفنا عند قوله حفظه الله، قال بنو هبيرة: وأجمعوا على أن الطهارة بالماء تجب على كل من لزمته الصلاة مع وجوده، فإن عدمه فبدله، لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ولقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. انتهى. Donc nous sommes toujours dans la continuité de la traduction du livre du Conseil de jurisprudence de Cheikh Fawzan Hafidhahullah. Nous étions arrêtés au point suivant, donc la parole de Ibn Hubayra Rahimahullah. Donc il disait qu'il y a l'unanimité des savants sur le fait que la purification est obligatoire pour toute personne pour qui la prière est obligatoire. Hein? Donc là, la purification en présence d'eau. Et s'il n'y a pas d'eau, là, on fait le tayammum conformément à la parole d'Allah, parce qu'il dit: si vous ne trouvez pas d'eau, donc faites le tayammum avec une terre pure. Et également, selon la parole d'Allah, et Allah a fait descendre du ciel une eau pour avec laquelle vous vous purifiez. وهذا مما يدل على عظمة هذا الإسلام الذي هو دين الطهارة والنزاهة الحسية والمعنوية. Donc ceci montre l'importance de la noblesse de la religion de l'islam. Comme quoi, c'est la religion de la purification dans son intégrité, qu'elle soit concrète ou abstraite. كما يدل ذلك على عظمة هذه الصلاة حيث لم يصح الدخول فيها بدون الطهارتين الطهارة المعنوية من الشرك وذلك بتوحيد وإخلاص العبادة لله والطهارة الحسية من الحدث والنجاسة وذلك يكون بالماء أو ما يقوم مقامه. Donc cela montre aussi l'importance de la prière, l'extrême importance de la prière, dans le sens où une prière ne sera pas valable, elle sera valable qu'uniquement après s'être purifiée des deux impuretés, qu'elles soient mineures ou majeures, des deux impuretés, qu'elles soient concrètes ou abstraites, pardon. Donc, at-taharatul ma'nawiyya, donc la purification abstraite, donc savoir que votre croyance doit être dénuée, dépourvue de tout polythéisme. Et ceci comment? Justement en appliquant le tawhid. En appliquant le tawhid, donc le fait d'unifier Allah dans vos adorations. Et la purification concrète, hein, celle qui concerne les impuretés, qu'elle soit l'état d'impureté et les impuretés en elles-mêmes, et cela se fait comment? Donc à travers l'eau ou ce qui la remplace quand il n'y en a pas ou quand nous sommes dans la capacité de l'utiliser. وعلم أن الماء إذا كان باقيا على خلقته لم تخالط مادة أخرى فهو طهور بالإجماع. Donc sachez que l'eau, si elle reste, hein, sur la nature sur laquelle elle est, sur son état naturel, hein, et qu'elle n'a pas été modifiée par une quelconque matière autre, donc elle est purificatrice à l'unanimité des savants. وإن تغير أحد أوصافه الثلاثة ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة فهو نجس بالإجماع. Donc si l'un des trois caractéristiques de l'eau, hein, à savoir son odeur, son goût et son odeur et sa couleur se transforme complètement à cause d'une impureté, dans ce cas-là, elle devient inutilisable à l'unanimité des savants. Donc cette eau-là devient inutilisable parce qu'elle est devenue impure. La yajuz isti'maluhu. Et le troisième cas, donc si cette eau elle se transforme à cause d'une autre matière, mais pure cette fois-ci. Alors de matière pure, comme des feuilles d'anar, par exemple, ou du savon, ou du cidre, par exemple, ce genre de choses qui restent pures, et que cette chose-là qui est rentrée dans l'eau n'a pas pris le dessus complètement sur l'eau, dans le sens où ça reste toujours de l'eau, ça n'a pas été transformé ni dans son odeur, ni dans son goût, ni dans sa couleur. Dans ce cas-là, il y a une divergence qui l'a transformé complètement, que ce soit dans son odeur, son goût et sa couleur. Dans ce cas-là, on ne peut pas l'utiliser, si c'est une najasa, bien sûr, transformée par une impureté. Et le troisième cas, donc elle a été, il y a quelque chose neutre matière pure qui est rentrée dans cette eau, mais qui n'a pas eu d'incidence sur sa couleur, ni son goût, ni son odeur, en ce cas-là, il y a une petite divergence, mais d'après sur le Cheikh Fawzan, son avis, il dit qu'il est autorisé d'utiliser cette eau pour se purifier. فعلى هذا يصح لنا أن نقول إن الماء ينقسم إلى قسمين. Donc en se basant sur ça, on peut dire que l'eau se divise en deux catégories. Les eaux se divisent en deux catégories. القسم الأول طهور يصح التطهر به سواء كان باقيا على خلقته أو خالطته مادة طاهرة لم تغب عليه ولم تسلبه اسمه. Donc il fait un résumé. Il dit donc la première catégorie, c'est comme quoi l'eau est purificatrice et qu'il est autorisé de se purifier avec, qu'elle soit sur son état naturel, normal, donc de l'eau comme de l'eau, soit qu'elle ait été mélangée avec une autre matière elle-même pure et qui n'a pas pris le dessus sur l'eau et qui fait que l'eau garde toujours son nom d'eau. D'accord ? القسم الثاني نجس لا يجوز استعماله فلا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة وهو مما تغير بالنجاسة والله تعالى أعلم. Et la deuxième catégorie d'eau, c'est celles qui sont impures, qui n'est pas autorisé donc d'utiliser, et ces eaux-là forcément n'enlèvent pas cet état d'impureté et n'enlèvent pas les impuretés. Et ça, cette eau-là, c'est celle qui a été modifiée justement à cause d'une impureté, et Allah est le plus savant. باب في احكام الانيه وثياب الكفار. فكالله الشيخ عبد الله passe un nouveau chapitre, toujours dans le chapitre de la purification, donc le chapitre des règles relatives aux récipients et aux vêtements des mécréants. الانيه هي الاوعيه التي يحفظ فيها الماء وغيره سواء كانت من الحديد او الخشب او الجلود او غير ذلك. Donc les récipients, ce sont des volumes, des contenants dans lesquels on préserve l'eau, on garde l'eau, qu'elle soit, donc que ces récipients soient de fer, de bois ou de peau ou autre. والأصل فيها الإباحة فيباح استعمال واتخاذ كل إناء طاهر ما عدا نوعينهما. Donc et la base pour ces récipients-là, tous les récipients en général, quels qu'ils soient, c'est l'autorisation, la permission. Il est autorisé de les utiliser, tout récipient pur, en dehors de deux cas. Deux sortes de récipients qu'il est interdit d'utiliser, donc Cheikh va expliquer lesquels. أولاً إناء الذهب والفضة والإناء الذي فيه ذهب أو فضة طلاءً أو تمويهاً أو غير ذلك من أنواع جحر الذهب والفضة في الإناء. D'accord ? Donc Cheikh dit la première sorte de récipient il est interdit d'utiliser pour faire ses ablutions, ce sont les récipients qui sont faits d'or et d'argent. Ou qui contiennent de l'or et d'argent. Donc que ce soit de l'or ou d'argent dans son intégralité ou partiellement. Plaqué or par exemple, ou ce genre de choses, tant qu'on a étalé dessus. Ou qui contiennent tout simplement de l'or et de l'argent à l'intérieur. Ma'ada al-tabqata al-yasira min al-fidda tuj'al fil ina'i lil-hajati ila islahihi. En dehors, c'est la seule exception, en dehors de la petite quantité d'argent qu'on peut utiliser pour réparer par exemple un récipient défectueux. Dans ce cas-là, à l'origine, il ne faisait pas partie du récipient. C'est cette petite partie d'argent ne faisait pas partie du récipient. Donc, on verra par la suite si il va donner des explications. En dehors de ça, il est interdit d'utiliser des récipients faits en or ou en argent, que ce soit en intégralité ou partiellement. Sauf donc une petite partie d'argent. Une toute petite partie d'argent qui sert à réparer un récipient défectueux. ودليل تحريم إناء الذهب والفضة قوله صلى الله عليه وسلم لا تشرب في أنية الذهب والفضة ولا تأكل في سحافهما فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. Donc la preuve de l'interdiction d'utiliser les récipients en or et d'argent, c'est la parole du prophète عليه الصلاة والسلام lorsqu'il dit donc ne buvez pas dans les récipients fait d'or et d'argent, et ne mangez pas dans ces plateaux faits de la même matière, car ils sont pour eux, donc les mécréants, dans ce bas monde, et ils sont pour nous dans l'au-delà. Rawahu al-Jama'a. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, alladhi yashrabu fi aniyati al-fidda إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, donc celui qui boit dans un récipient constitué d'argent, il ne fait certes que enflammer son ventre du feu de l'enfer. صلى الله عليه وسلم. Il est hadith unanimement connu authentique. والنهي عن الشيء يتناوله خالصا أو مجزءا. والنهي عن الشيء يتناوله خالصا أو مجزءا. Et quand une chose elle est interdite, elle est interdite dans sa totalité et en partie. Hein, elle est interdite dans sa totalité et en partie. فيحرم الإناء المطلي أو المموه بالذهب والفضة أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة. Donc je le répète, il dit donc il est interdit d'utiliser donc les récipients constitués d'or et d'argent, que ce soit dans leur intégralité ou partiellement, et ou des récipients qui contiennent de l'or et de l'argent. ما عدا الطبقة اليسيرة من الفضة كما سبق. En dehors de donc cette petite partie d'argent, hein, qui a été dont on a parlé juste avant. بدليل حديث أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. رواه البخاري. Et donc, qu'est-ce qui fait que cette petite partie d'argent est autorisée pour les récipients? C'est qu'une fois, une sorte de tasse du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est cassée, et donc ça y est, une petite fissurée, voilà, plus précisément, s'est fissurée, et donc il a réparé cette fissure à l'aide d'un petit morceau d'argent, d'un petit morceau d'une chaîne en argent. D'accord? Donc, ce qui prouve qu'on peut utiliser des récipients qui sont proposé d'argent, mais cet argent-là seulement, c'est-à-dire celui qui sert à, qui a servi, et qui est une petite quantité aussi, et qui a servi à réparer un récipient. Rawa al-Bukhari, le hadith est rapporté par Bukhari. قال النووي رحمه الله إن عقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيها وجميع أنواع الاستعمال في معنى الأكل والشرب بالإجماع انتهى. Donc l'imam Nawawi رحمه الله il a dit donc il y a une unanimité des savants sur le fait que le fait de manger, de boire dans ces choses-là, dans ces récipients-là, dans ces etc., constitués d'or et d'argent, donc, est interdit. Sur le fait que boire et manger dans ces récipients et dans ces assiettes, etc., dans l'argenterie en général, faite d'or et d'argent, est interdit. Et quelle que soit la forme de l'argenterie qui sert à manger et à boire. والتحريم الاستعمال والاتخاذ يشمل الذكور والإناث لعموم الأخبار وعدم المخصص وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج. Donc et cette interdiction, hein, le fait d'utiliser, donc l'interdiction d'utiliser ces récipients en or et d'argent, elle englobe les hommes et les femmes. Elle n'est pas propre à l'un d'entre nous seulement. Elle englobe les hommes et les femmes en sens que pourquoi? Parce que les textes qui sont venus à ce sujet sont d'ordre général. Les textes venus à ce sujet sont d'ordre général et il n'a pas été spécifié un des deux sexes. Et donc, en dehors de le fait de se parer, hein, pour la femme de bijoux, etc., d'or et d'argent, pourquoi? Dans le but de s'embellir pour son époux. Dans ce cas-là, il est autorisé d'utiliser de l'or et de l'argent. وتباح أنية الكفار التي يستعملونها ما لم تعلم نجاستها فإن علمت بنجاستها فإنها تغسل وتستعمل بعد ذلك. Donc il est autorisé aussi d'utiliser les récipients des mécréants tant que nous ne savons pas qu'ils sont impurs. Si tu sais qu'ils sont impurs, hein, je sais pas, il y a une impureté sur un récipient qu'un mécréant a utilisé, il y a pas de mal à le laver bien comme il faut et l'utiliser pour pouvoir l'utiliser ensuite. Donc enlever la pureté, hein, et pouvoir l'utiliser par la suite. ثانياً, donc la deuxième chose, deuxième partie là, deuxième forme de récipient interdit, de choses interdites. Donc جلود الميتة يحرم استعمالها. Donc les peaux des bêtes mortes, donc c'est interdit, elles sont interdites de les utiliser. إلا إذا دبرت. Sauf si elles ont été tannées. فقد اختلف العلماء في جواز استعمالها بعد الدبغ والصحيح الجواز. الشيخ فوزان حفظه الله يدي que les savants ont divergé sur le fait d'utiliser les peaux des bêtes mortes après avoir été tannées, Et lui, il voit, il dit que l'avis le plus fort, c'est que c'est autorisé, c'est permis. Et ça, et cet avis-là, c'est l'avis de la majorité des savants. لورود الأحاديث الصحيحة بجواز استعماله بعد الدبري. Donc il dit pourquoi? Parce que il y a des hadiths qui sont authentiques, hein, qui autorisent le fait d'utiliser donc les peaux de bêtes mortes après avoir été tannées. Ça c'est la condition. ولأن نجاسته طارئة فتزول بالدبري كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يطهره الماء والقرض. وقوله عليه الصلاة والسلام دباغ الآدمي طهور طهور. Voilà, et donc il ramène les preuves qui autorisent le fait d'utiliser les peaux des bêtes mortes après avoir été tannées. Donc la parole du prophète, pourquoi il dit dans un premier temps? Parce que les impuretés qui sont dans ces peaux, c'est un peu comme elles s'envolent en fait, elles partent comme un peu comme le phénomène d'évaporation de l'eau en gaz. Hein, elles partent quand tannées, c'est le fait de travailler la peau, c'est travailler la peau, hein, c'est une technique, je ne suis pas spécialiste. Mais voilà, c'est donner des coups sur la peau, etc., sur la peau, etc. C'est ça le tannage. Et donc, quand on pratique cette technique sur la peau, ces impuretés, elles s'envolent, elles partent en fait. Hein? Et elles partent avec le tannage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi, donc le tahiru, ça d'avoir les peaux mortes, donc l'eau ou le kalad. L'eau avec le kalad, c'est une plante, hein, c'est l'acacia, je me rappelle bien. C'est donc mélanger avec l'eau, avec l'acacia, ça purifie les peaux des bêtes mortes. Et aussi, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dibarul adimi tahoru. Donc le fait de tanner les peaux des bêtes mortes, c'est ça qui la rend pure. وتباح ثياب الكفار إذا لم تعلم نجاستها لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك ويباح ما نسجوه أو سبغوه لأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا يلبسون ما نسجه الكفار وسبغوه والله تعالى أعلم. Et quant au point concernant le fait d'utiliser les vêtements des migrants, il dit que c'est autorisé. C'est autorisé tant que vous ne savez pas, tant que vous n'êtes pas sûr qu'elles sont impures. Parce que la base d'une chose, c'est la pureté. D'accord? Donc, ces choses-là, ces vêtements-là, on ne dit pas qu'elles sont impures en se basant sur un doute, avoir une certitude. Et il est autorisé donc d'utiliser ce que les mécréants ont tissé, ont fabriqué, ont conçu, et ce qu'ils ont teint aussi, coloré. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons donc s'habillaient de ce que les mécréants ont fabriqué et aussi de ce qu'ils avaient teint et coloré. Et Allah est le plus savant. Bab fima yahrumu ala al-muhdithi muzawalatuhu min al-a'mal. Donc on rentre dans un nouveau chapitre. Donc ce qui concerne ce nouveau chapitre concerne l'interdiction pour celui qui est en état d'impureté de commettre certains actes. هناك بعض من الأعمال التي يحرم على المسلم إذا لم يكن على طهارة أن يزولها لشرفها ومكانتها. Donc il dit, il existe certains actes qu'il est interdit aux musulmans de faire, hein, s'il n'est pas en état de pureté. D'accord? S'il n'est pas en état de pureté, pour lui, il est interdit de les faire en raison de leur noblesse en tant que telle et aussi en raison de la noblesse de l'endroit. On verra par la suite qu'est-ce qu'il entend par endroit. وهذه الأعمال نبينها لك بأدلتها لتكون منك على بال فلا تقدم على واحد منها إلا بعد التهيؤ له بالطهارة المطلوبة. Donc il va donner quelques exemples de choses qu'il ne faut pas faire si on n'est pas en état de pureté et avec les preuves pour qu'on soit, pour qu'on fasse ça avec science. Donc, ne fais pas ces actes-là sans t'être préparé à le faire, en étant purifié de la façon qui est appropriée pour faire cet acte-là. اعلم يا أخي أن هناك أشياء تحرم على المحدث سواء كان حدثه أكبر أو أصغر وهناك أشياء يختص تحريمها بمن هو محدث حدثا أكبر. Donc sachez, frères d'Islam, qu'il y a des choses qui sont interdites pour celui qui est en état d'impureté. Qu'il soit en état d'impureté, que ce soit l'impureté mineure, hein, ou majeure. Et il y a des choses, par contre, qui sont propres, qui sont interdites et propres à l'impureté majeure uniquement. D'accord ? Et donc il y a des choses qui sont interdites, que ce soit en impureté mineure ou majeure, et il y a des choses qui sont interdites en étant en impureté majeure uniquement. Dans le sens où ces choses-là, si on est en impureté mineure, on pourrait les faire. On verra par la suite les exemples. Donc Cheikh commence, continue, il dit « فَالْأَشْيَاءُ الَّتِي تَحْرُمُ عَلَى الْمُحْدِثِ أَيِّ الْحَدَثَيْنِ » Donc voilà les choses pour Cheikh qui sont interdites de faire, quel que soit son état d'impureté, qu'il soit mineur ou majeur. Qu'il soit mineur ou majeur. « أَوَّلًا مَسُّ الْمُصْحَافِ الشَّرِيفِ فَلَا يَمَسُّهُ الْمُحْدِثِ فَلَا يَمَسُّهُ الْمُحْدِثُ بِدُونِ حَائِلٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ أي المتطهر من الحدث جنابة أو غيرها على القول بأن المراد بهم المطهر من البشر. Donc la première chose, مسو المصحف, le fait de toucher le Coran, le المصحف, le Coran en arabe il y a deux mots, il y a le Coran, c'est كلام الله, hein, qui n'est pas créé, on ne peut pas toucher le Coran en arabe, il y a le Coran et le المصحف. Quand on dit le المصحف, c'est le livre, hein, le livre qu'on lit tous les jours, etc. Non, on ne devrait pas dire Coran en français, c'est pas logique. Hein, le Coran, quand on dit le Coran en arabe, c'est la parole d'Allah. D'accord ? Le mushaf, c'est le livre. Donc les chiites en arabe, le problème en français, c'est qu'il n'y a pas de traduction pour nous, je veux dire le livre d'Allah, le livre. Hein, d'accord ? Sinon, quand on dit le Coran, c'est la parole d'Allah. Donc le fait de toucher le livre d'Allah, le noble livre d'Allah. Donc, celui qui n'a pas ses ablutions, celui qui n'est pas en état de pureté, hein, ou celui qui est en état d'impureté, mineur ou majeur, quel qu'il soit, il est interdit pour lui de toucher le livre d'Allah, sans qu'il y ait entre lui et le livre un obstacle. D'accord ? De façon, donc interdit pour lui de toucher de façon directe. Il se base sur la parole d'Allah dans le sens du verset. Donc, ne le touche que les purifiés. Hein, c'est-à-dire ceux qui se sont purifiés de toutes les, de l'état d'impureté majeur ou autre. En prenant en considération que ceux qui sont concernés dans ce verset, ce sont les êtres humains. وهناك من يرى أن المراد بهم الملائكة الكرام. Parce qu'il y a d'autres explications de ce verset qui disent que ceux qui sont concernés dans ce verset ne sont pas les êtres humains mais les anges. Hein, d'accord. Cheikh Hassan dit par rapport à ça. وحتى لو فسرت الآية بأن المراد بهم الملائكة فإن ذلك لا يتناول البشر بدلالة الإشارة. D'accord. وكما ورد في الكتاب الذي كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم قوله لا يمس المصحف إلى الطاهر رواه النسائي وغيره متصلا. Donc voilà, il dit même si ce verset, le sens du verset par rapport à ceux qui ne peuvent pas toucher le Coran, ce serait les anges, il dit ça n'empêche pas que ça englobe aussi les êtres humains. Hein, ceci n'empêche pas cela. Et comme cela aussi a été appuyé et rapporté dans ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait écrit à Amr ibn Hazm, lorsqu'il dit ne touche le mushaf, donc le livre d'Allah, qu'une personne en état qui est dans un état de pureté, pas d'impureté, qu'une personne en état de pureté. Et ce hadith est rapporté par Nasa'i et d'autres. Wa qala ibn Abd al-Barr innahu ashbahu al-mutawatir li talaqi an-nas lahu bil qabul. Donc ibn Abd al-Barr, qui est un grand savant aussi, il disait que c'est connu en fait, c'est très répandu cette chose-là, le fait que personne ne peut toucher le Coran. C'est comme si c'était répandu comme un hadith qui est mutawatir, très connu. Et pourquoi ? Parce que toute la communauté l'a accepté, cette chose-là. Toute la communauté l'a accepté, il le connaît. Quoi. C'est connu comme tel. Donc, il y a le Cheikh de l'Islam, il y a le Cheikh de l'Islam, il y a le Cheikh de l'Islam, il y a le Cheikh de l'Islam, il y a le Cheikh de Donc, le Cheikh de l'Islam est émis. Hein, par rapport au fait de ne pas pouvoir toucher le livre d'Allah pour celui qui n'est pas en état de pureté, après s'être purifié, ça c'est, il dit que c'est la voix des quatre imams, c'est la parole des quatre imams. Donc les quatre imams ils sont sur cette position-là, sur cet avis-là. وقال ابن هبيرة في الإفصاح أجمعوا يعني الأئمة الأربعة أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف انتهى. Donc ابن هبيرة dans son livre الإفصاح il dit que il y a l'unanimité, c'est-à-dire il y a l'unanimité pour les quatre savants, hein, l'imam Malik, l'imam Abu Hanifa, l'imam Ahmad, l'imam Shafi'i, qu'il est interdit pour celui qui est en état d'impureté, qu'il soit mineur ou majeur, de toucher le livre d'Allah. Fin de sa parole, fin de citation. ولا بأس أن يحمل غير المتطهر المصحف في غلاف أو كيس من غير أن يمسه، وكذلك لا بأس أن ينظر فيه وتصفحه من غير مس. Donc il dit, cher, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal à transporter le Coran pour celui qui n'est pas en état de pureté. Il n'y a pas de mal à transporter dans un plastique ou après l'avoir enveloppé, par exemple, que ce soit un drap ou quelque chose qui enveloppe le mus'haf. Il n'y a pas de mal à le faire, ou comme il n'y a pas de mal à le contempler et à lire les pages du mus'haf sans, à condition de ne pas le toucher. À condition de ne pas le toucher. Donc ça, il n'y a pas de mal pour ça. Thaniyan, donc deuxième chose qu'il est interdit de faire, quelle que soit l'impureté, qu'elle soit mineure ou majeure. Wa yahrum 'ala al-muhdithi as-salat fardan wa aw naflan. Wa hadha bi ijma'i 'ala ahli al-'ilm. Il istata' at-tahara li qawlihi ta'ala ya ayyuhalladhina amanu idha kuntum min as-salati faghsilu wujuhakum وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فتطهروا. Donc il dit, forcément ça tout le monde s'est connu, alhamdulillah, qu'il est interdit forcément pour toute personne qui est en état d'impureté, qu'elle soit mineure ou majeure, de faire la prière. Que cette prière soit obligatoire ou surérogatoire. Et ça, ceci à l'unanimité des savants, si cette personne, bien sûr, est dans la possibilité de se purifier. Et ceci conformément à la parole d'Allah dans ce verset. Donc, vous qui avez cru, si vous vous préparez à la prière, donc nettoyez, lavez vos visages, vos mains jusqu'aux coudes, et frottez vos cheveux, vos têtes, et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Et si vous êtes dans un état d'impureté majeure, et ici il parle de genou, donc l'impureté qui fait suite à des rapports sexuels, et dit, dans ce cas-là, il faut vous purifier. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, لا يقبل الله صلاة بغير طهور. La rawahu muslim wa ghayruhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah n'accepte pas la prière d'une personne qui ne s'est pas purifiée. Le prophète a dit, Allah n'accepte pas la prière d'une personne qui ne s'est pas purifiée. Et ce hadith est rapporté par muslim et d'autres. Wa hadith, لا يقبل الله صلاة من من أحدث حتى يتوضأ. Donc, un autre hadith aussi qui vient appuyer cette parole. Donc Allah n'accepte pas la prière d'une personne qui est en état d'impureté jusqu'à ce qu'elle fasse ses ablutions. Jusqu'à ce qu'elle fasse ses ablutions. فلا يجوز له أن يصلي من غير طهارة مع القدرة عليها. Donc il est interdit de prier quelque prière qu'elle soit, sans s'être purifiable, avec la possibilité de le faire, bien sûr. D'accord, il est interdit. Alhamdulillah, ce sujet s'est connu par tout le monde. Il est interdit de prier en n'étant pas purifié, que ce soit de la main de la pureté mineure ou majeure. Voilà, c'est pour cela tout. Et la prière, forcément, si c'est pas autorisé, la prière ne sera pas valable. Savoir en kana jahilan ou aliman, nasiyan ou amidan, lakin al-alim al-amil, idha salla min ghayri tahara, ya'tham wa yu'azzar, wa in kana jahilan ou nasiyan. Donc il dit, cher Abdallah, donc et la prière n'est pas acceptée, qu'il soit ignorant de cette règle-là, ou qu'il la connaisse, ou qu'il l'ait oublié, ou qu'il le fasse volontairement, c'est pas accepté. Par contre, il y a une différence, dans le sens où celui qui fait salat, sans ses ablutions, et il le fait consciemment, avec science, et il le fait volontairement, de prier donc sans ses ablutions, lui, il commet un péché et il doit être corrigé. Cette personne doit être corrigée. Par contre, s'il est ignorant ou il a oublié, ça c'est notre histoire, donc il ne fait pas de péché, il n'a pas commis de péché. Ça marche pour l'ignorant et pour celui qui a oublié. Il n'a pas commis de péché. Par contre, sa prière, elle n'est toujours pas, valable. Elle ne sera jamais valable. Thalithan, يحرم على المحدث الطواف بالبيت العتيق. لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت الصلاة. إلا أن الله أباح فيه الكلام. Donc c'est le troisième point qu'il est interdit de faire lorsqu'on est en état d'impureté, que ce soit mineur ou majeur. Donc le fait de tourner autour de la Kaaba, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le fait de tourner autour de la Kaaba, c'est comme une prière, sauf qu'Allah a autorisé dans cette forme de prière le fait de parler. وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم للطواف. le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des ablutions pour tourner autour de la Kaaba. Wa sahha anhu alayhi sallallahu alayhi wa sallam annahu mana'a al-ha'idha min at-tawaf bil bayt hatta tatatahhar. كل ذلك بما يدل على تحريم الطواف على المحدث حتى يتطهر. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à la femme qui est en période de menstrue de tourner autour de la Kaaba jusqu'à ce qu'elle soit purifiée. Et donc tous ces preuves là nous indiquent bien qu'il est interdit de tourner autour de la Kaaba en étant en état d'impureté, que ce soit mineur ou majeur, jusqu'à s'être purifié de ses impuretés. وبما يدل على تحريمه على المحدث حدث أكبر قوله. Et donc une des preuves aussi qui indique le fait de tourner autour la Kaaba c'est interdit pour la personne qui est en état d'impureté majeur, la parole d'Allah dans le sens du verset: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر السبيل حتى تغتسلوا. Allah dit dans le sens du verset: donc vous qui avez cru, ne vous rapprochez pas de la prière alors que vous êtes saoul, jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous disiez, ou si vous êtes en état d'impureté majeure, sauf pour celui qui est des passages, jusqu'à ce que vous faites vos ablutions majeures. Ay la tadkhulu al-masjid wa antum junub illa mari tariq. Donc la signification de ce verset, c'est le fait de ne pas rentrer dans la mosquée alors que vous êtes en état d'impureté majeure. Vous êtes junub dans cet état-là, donc l'impureté qui fait suite à des rapports sexuels, sauf pour celui qui est de passage dans cette mosquée, qui fait juste passer. فمنعه من دخول المسجد للبقاء فيه يقتضي منعه من الطواف من باب أولى. Donc Cheikh Fawzan dit, donc le fait qu'il est interdit pour la personne qui est en état d'impureté majeure suite à des rapports sexuels de rentrer dans une mosquée et d'y rester, si déjà ça c'est interdit, que dire du fait de rentrer et de faire le tawaf, ça c'est encore plus évident. وهذه الأعمال تحرم على المحدث سواء كان حدثه أكبر أو أصغر. Donc ces trois actes-là qu'on vient de voir, donc ils sont interdits pour celui qui est en état d'impureté, quel qu'il soit, qu'il soit petit ou peu petit, mineur ou majeur. وأما الأشياء التي تحرم على المحدث حدث أكبر خاصة فهي. Et donc là, voilà, il va rappeler des cas où il y a certaines choses qu'il est interdit de faire, mais c'est possible pour la personne qui est en état d'impureté majeure. D'accord ? Quand il est impureté majeure, c'est-à-dire qu'on sort de cette impureté majeure par les grandes ablutions. Les impuretés mineures, c'est par les petites ablutions. C'est ça quand on dit la différence. Les impuretés mineures, on sort de cet état-là avec des ablutions, simplement. Les impuretés majeures, on sort de ces impuretés avec les grandes ablutions. Donc dans ce cas-là, أولا يحرم على المحدث حدثا أكبر قراءة القرآن لحديث علي رضي الله عنه لا يحجبه يعني النبي عليه الصلاة والسلام عن القرآن شيء ليس الجنابة. Donc il dit qu'il est interdit pour celui qui est en état d'impureté majeur, il est interdit pour lui de lire le Coran. Il est interdit pour lui de lire le Coran. Conformément au hadith de Ali رضي الله عنه qui dit que le prophète صلى الله عليه وسلم rien ne l'empêchait de lire le Coran, sauf l'état justement d'impureté majeure qui est la Jenaba, l'état d'impureté qui fait suite à des rapports sexuels. Rawahu Tirmidhi wa ghayruhu. Wallafdu Tirmidhi yuqri'una al-Quran ma lam yakun junuban. Il y a un autre hadith donc rapporté par Tirmidhi qui dit il nous lisait le Coran tant qu'il n'était pas dans cet état d'impureté qui fait suite à des rapports sexuels. Fahada yadullu ala tahrim qira'ati al-Quran ala al-junub وبمعناه الحائض والنفساء، ولكن رخص بعض العلماء كشيخ الإسلام للحائض أن تقرأ القرآن إذا خشيت نسيانه. Donc il dit donc en se basant sur ça, il est donc interdit de lire le Coran pour celui qui est en état d'impureté suite à des rapports sexuels, et par la même occasion donc celle aussi qui est en période de menstrue ou en période de lochie, donc ça dans la période qui suit l'accouchement. Et sachant que certains savants comme Cheikh Al-Islam Al-Taymiyyah a autorisé pour celles qui ont période de menstrues de lire le Coran, si elle a pas une bonne raison, c'est pas une raison valable. Donc in khashiyat nisyanahu, donc si elle craint de l'oublier, elle peut dans ce cas-là, même si elle est dans l'état menstrue, elle peut lire le Coran, et ça c'est l'avis de Cheikh Al-Islam Al-Taymiyyah, elle peut lire le Coran si elle craint de l'oublier. Wa la ba'sa an yatakallama al-muhdithu بما وافق القرآن إن لم يقصد القرآن بل على وجه الذكر. Donc il n'y a pas de mal à la personne qui est en état d'impureté majeure de parler de choses qui existent en fait, qui existent dans le Coran. Mais il ne faut pas qu'il y ait l'intention de réciter le Coran. On va donner un exemple, مثل, et juste par rapport, voilà, pour faire le rappel d'Allah. على مثل بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. Donc une personne qui dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, ça fait partie du Coran. Mais c'est pas, quand il dit ça, il a commencé une discussion, par exemple, il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Quand il dit ça, il n'y avait pas l'intention de réciter le Coran. Donc là, il n'y a pas de mal. Parce que là, même si on est en état d'impureté majeure, de dire ces choses-là. Les hadiths d'Aïshada, radiallahu anha, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kana yadhkurullah ala kulli ahyanihi. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. Donc la preuve c'est la parole du hadith rapporté par Aïcha رضي الله عنها qui disait que le prophète صلى الله عليه وسلم donc faisait le rappel d'Allah hein, quel que soit son état, quel qu'était son état. ثانيا ويحرم على المحدث حدثا أكبر من جنابة أو حيض أو نفاس اللبث في المسجد بغير وضوء. Voilà, ça revient à ce qu'il avait dit au début, le makan, donc la noblesse de l'endroit. Donc il est interdit pour la personne qui est en état d'impureté majeure, hein, comme la, donc le fait de celle qui suit, l'état qui suit les rapports sexuels ou les menstrues, ou les logis, le fait donc de se déplacer, de venir se déplacer dans les mosquées sans ablution. Ya ayyuha alladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ما تقولون ولا ذنوبا إلا عابر السبيل حتى تغتسلوا. Ok, il recite le verset qu'on a entendu tout à l'heure dans le sens du verset. Donc, ô vous qui avez cru, ne vous rapprochez pas, ne vous préparez pas à la prière alors que vous êtes sous, jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous disiez, ni ne vous rapprochez pas non plus donc ceux qui sont dans un état d'impureté majeure suite à des rapports sexuels, sauf pour ceux qui sont de passage, jusqu'à ce que vous fassiez vos grandes ablutions. أي لا تدخل المسجد للبقاء فيه ولقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب رواه أبو داود من حديث عائشة وصححه ابن حزيمة. D'accord. Donc ce qui veut dire ce verset, ce qui veut dire donc n'entrez pas dans les mosquées pour y rester, hein, d'accord, pour rester comme on est en train de le faire, ou selon la parole du prophète sallam qui a dit aussi je n'autorise pas à la personne qui est assez monstrueuse et qui est en état d'impureté majeure suite à des rapports sexuels de rester dans les mosquées. Et ce hadith est rapporté par Abu Daoud, le hadith de Aïcha radhiyallahu anha et authentifié par Ibn Khuzaymah. فَإِذَا تَوَضَّأَ مَنْ عَلَيْهِ حَدَثٌ أَكْبَرٌ جَازَ لَهُ اللُّبْثُ فِي الْمَسْجِدِ لِقَوْلِ عَطَاءٍ رَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة والحكمة من هذا الوضوء التخفيف من هذا الوضوء تخفيف الجنابة. Donc par contre il dit toute personne qui a une impureté majeure, hein, toute personne qui a une impureté majeure, si elle fait ses ablutions, bien qu'elle soit en impureté majeure, hein, si elle fait ses ablutions, il est autorisé pour elle de rester dans la mosquée. Il est autorisé pour elle de passer, de rester dans la mosquée. Selon la parole de Atta, radiallahu anhu, qui disait que j'ai vu des hommes parmi les compagnons du prophète, du messager sallallahu alayhi wa sallam, s'asseoir dans la mosquée alors qu'ils étaient en état d'impureté majeure suite à des rapports sexuels, s'ils avaient fait la condition, s'ils avaient fait les ablutions qu'on fait pour la prière. Hein? Comme ils avaient fait les ablutions qu'on fait pour la prière, hein? Et ça, ils sont restés malgré tout. Wal hikmatu min hada, donc il dit min hada al-wudu, tarfiful janaba. Et c'est quoi la sagesse de cette chose-là, sur quoi il dit, c'est le fait que c'est comme si en fait les ablutions, elles avaient diminué le caractère d'impureté majeure de la janaba. D'accord, ça réduit le caractère d'impureté majeure. Donc ça fait de telle sorte que ça réduit assez pour pouvoir s'asseoir. Donc c'est parmi les bienfaits des ablutions. Donc, كذلك يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يمر بالمسجد لمجرد العبور منه من غير جلوس فيه لقوله تعالى إلا عابر السبيل أي متجاوزين فيه للخروج منه والاستثناء من النهي إباحة فيكون ذلك مخصصا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض أو ولا جنوب. Donc il est autorisé de la même façon, il est autorisé pour la personne qui est en état d'impureté majeure de passer dans une mosquée, mais passer pour passer, pas pour parler, hein, pas passer pour pouvoir s'arrêter, vraiment passer pour passer. Ça va, c'est sur votre route, vous n'avez pas le choix, vous devez passer, il n'y a pas de mal, même si vous êtes en impureté majeure, tant que vous ne vous asseyez pas dedans. C'est vraiment passer pour passer. Conformément à la parole d'Allah, dans le sens du verset, illa 'abidis sabil, donc sauf ceux qui sont de passage, donc ceux qui sont interdits en abus, ceux qui sont sous kara, ceux qui sont sous. Hein, ça, jusqu'à ce qu'ils sachent ce qu'ils font, ce qu'ils disent, et ceux qui sont en état d'impureté majeure, ceux à des rapports, on avait dit illa 'abidis sabil, sauf ceux qui sont en état de passage. Donc il y a eu une exception. D'accord ? Et donc c'est ceux qui passent dans la mosquée pour rentrer et sortir tout de suite. Et donc vous avez vu que ça, donc illa 'abidis sabil, donc c'est une exception, hein, à l'interdiction. Donc tout le monde qui sont dans ces états-là, donc on a évoqué là, juste avant là, donc le fait d'être ivre et d'être dans un état d'impureté majeure suite à des rapports. Donc tous ces gens-là sont interdits de rentrer dans la mosquée, sauf Al-Abel Sabit, sauf celui qui est parmi, même s'il est parmi eux, il fait partie de ces gens-là, pour lui, il est autorisé de passer. Donc, et ça vient pour spécifier, restreindre la parole générale du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « La uhidul masjida li ha'id wa la junub » Ça c'est une parole générale, donc je n'autorise pas à une personne qui est assez monstrueuse et qui est en état d'impureté majeure suite à des rapports sexuels, de rester dans la mosquée. Donc ça, c'est une parole générale. Et ce verset, il vient spécifier que ceux qui sont uniquement de passage, eux, hein, malgré la parole du prophète qui est générale, ce verset, il vient spécifier que pour ces personnes-là, malgré tout, c'est autorisé. D'accord ? Donc uniquement le fait de passer pour sortir de la mosquée sans s'y asseoir. وكذلك مصلى العيد لا يلبث فيه من عليه حدث أكبر بغير وضوء ويجوز له المرور منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليعتزل الحيض المصلى. De la même façon, donc les musallas, les salles de prière pour l'Eid, les salles de l'Eid, les musallas de l'Eid, il est pas autorisé pour celui qui a une impureté majeure de d'y passer, sauf s'il a fait ses ablutions. Hein, la pureté majeure, sauf s'il a fait ses ablutions. Et dans ce cas-là, il peut passer à travers la musalla. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, bon, et que les personnes qui sont en monstrue, donc s'éloignent, s'écartent des musalla de l'Aïd, donc des endroits où on fait la prière pour salat al-Aïd. Wabil hadha al-qadr kifaya. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا إلا درس القادم إن شاء الله يوم السبت قبل العشاء ب45 دقيقة في الأصول الثلاثة وبارك الله فيكم على حسن استماعكم donc إن شاء الله أربع ساعات là et donc au cours prochain samedi sur l'usul الثلاثة 45 minutes avant العشاء إن شاء الله je vous dirai Faïda, ça faisait toujours. C'est ce qui nous concerne tous, Inch'Allah. Donc, il dit, Cheikh Fawzan, Hafidhahullah, fi sharh al-hadith sahih, al-du'a bayna al-adhan wa al-iqama la yurad. Donc, Cheikh Fawzan, dans l'explication du hadith, la vocation entre l'adhan et l'iqama, c'est quelque chose qui nous concerne tous les jours, Alhamdulillah, c'est important. Donc, elle n'est pas rejetée. Qu'est-ce qu'il dit, Cheikh Fawzan, Hafidhahullah, كثيرٌ من الناس يهملون الدعاء بين الأذان والإقامة. Donc beaucoup de personnes négligent les invocations entre l'adhan et l'iqama. كثير من الناس يهملون الدعاء بين الأذان والإقامة ويشتغلون بتلاوة القرآن. Pourtant, ça c'est dans le meilleur des cas. Hein, ceux qui font ça, ils, entre guillemets, ils se plaignent de ceux qui lisent le Coran بين الأذان والإقامة. Que dire de nous alors qu'on parle, on rigole, on regarde nos portables, etc. Donc ils disent que on délaisse. Le fait de délaisser, en fait, le fait de délaisser les doua, les invocations, expliquer pourquoi après, entre l'adhan et l'iqama, même par la lecture du Coran, c'est pas ce qui est demandé. Tilawatul Quran, la shak annaha amal jadid. C'est pas que la lecture du Coran là-bas, c'est pas de problème. Il n'y a aucun doute que la lecture du Coran, c'est un noble acte. Kounuka tastaghil hadha al-waqt bi du'a wa dhikr afdal. Mais le fait d'utiliser ce temps-là entre l'adhan et l'iqama pour faire des invocations, il dit c'est meilleur. C'est meilleur que la lecture du Coran. لأن الدعاء المقيد في وقته أفضل من الدعاء المطلق. Donc une invocation qui est faite à un moment précis, restreint, qui est spécifié à un moment comme le fait de faire des doigts, tout ce qui est autorisé entre l'adhan et l'iqama, c'est un moment précis, c'est, hein, il dit, c'est donc c'est le meilleur qu'une doigt de façon générale. Hein, un doigt qu'on peut faire à n'importe quel moment. Quand il y a un moment qui est précisé pour faire une invocation, ben, quand on le fait à ce moment-là, c'est mieux que quand on le fait de façon générale, qui a aucun, sans aucune raison valable. Là, on le fait pourquoi? Parce qu'on est entre l'adhan et l'iqama. D'accord? C'est ça, cette invocation spécifique. وتلاوة القرآن مطلقة في كل وقت وهذا الوقت مخصص للدعاء. Alors que la lecture du Coran, tu peux le faire à tout moment. À tout moment, tu peux le faire avant, après, etc. Tandis que cette invocation-là, elle est spécifique entre l'adhan et l'iqama. La différence du Coran, la lecture du Coran, qui n'est pas spécifique entre l'adhan et l'iqama. Tu peux le faire à tout moment. بالدعاء مخصص بالدعاء فكونك تشتغل بالدعاء والذكر والاستغفار افضل من تلاوه القران في هذا الوقت دونك لو فات اون يوتيليز سو طون كي انتر لادان اي لي قام بار لو ذكر لو فات دو فير رابيد الله تهليل تحميد اكسيتيرا اي لو فات دو فير ديز انفوكاسيون اي لا دوموند دو باردون سي ميور كو لو فات دو لير لو قران pendant ce temps là دونك انتر لادان اي لي قام هذا ينبغي ان يفطن له تسهيل للامام بفقه الحديث من بلوغ المرام. Donc il dit, donc faut faire attention à ça, inshallah, pour que pour vous se réveiller et donc mettre en application ce genre de choses. Sallallahu alayhi wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.